caché, un avenir incertain, un cursus tout tracé, de l'argent qui brûle les mains, une sensation d'avoir réussi. Au fond, on réussit quoi? À être envié, à paraître comblé. Sauver les apparences, oublier que le goût de son pain est rance. Faire de l'humour, cacher son manque de passion par une spiritualité futile. Par une spiritualité futile. Celle qui fait croire à l'aisance. Celle qui sent la douleur.